dans ce tout nouveau podcast des bibliothèques de Quimper-Bretagne occidentale, le Club VIP. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Isabelle Taddeï, et si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle est, entre autres, la co-autrice du programme Dardard, ce programme court de France 2 qui vous fait découvrir l'histoire d'une œuvre d'art en moins de 2 minutes. Et c'est bien pour nous parler d'art qu'elle nous retrouve à Quimper. Il faut dire que l'art, c'est plus qu'un métier pour vous, c'est une vraie passion, non ? Alors, c'est pas un métier, en fait, ça n'est qu'une passion. Et juste une petite chose avant tout, c'est que malheureusement, Dardard, on ne peut pas le conjuguer au présent, puisque l'émission est arrêtée depuis maintenant plusieurs années. Et quant à moi et mon frère, donc Frédéric Taddeï, qui présentait cette émission, nous avons arrêté en 2018, donc ça fait 4 ans. Mais en revanche, l'art continue à être une passion et non pas j'en fais toujours pas un métier, mais j'essaye par mes modestes moyens de transmettre cette passion donc pendant 16 ans à travers Dardard, en racontant donc en sous-titre l'histoire d'une œuvre d'art, mais c'était, on allait plus loin, c'était raconter aussi bien une technique, la vie d'un artiste, et ensuite, depuis une dizaine d'années, à travers des conférences sur des expositions en général d'art contemporain que je présente, donc, notamment chez vous, à la médiathèque de Quimper. Alors, pourquoi de l'art contemporain ? C'est pas ma passion non plus. J'aime toutes les formes d'art et pas spécifiquement l'art contemporain. Au contraire, il arrive parfois que ce soit pas ce qui va le plus me transcender. Mais en revanche, à travers Dardard, pour certaines personnes, nous aurions un petit peu démocratisé, non pas justement l'histoire de l'art, ça le public n'avait pas besoin de nous, mais en revanche peut-être faire comprendre que l'art contemporain était aussi tout à fait accessible. Parce que c'est un peu le problème, souvent on a l'impression que c'est plus compliqué, alors que c'est beaucoup plus simple que l'art ancien, qui a beaucoup plus de clés cachées et de symboles qui ne nous sont pas toujours accessibles, à moins justement d'avoir fait des études ou d'être passionné par le sujet et de s'être penché sur la question, alors que l'art contemporain, justement, par son nom, il nous l'indique bien, eh bien, ses clés, ses symboles, ce sont aussi les nôtres. Nous y avons totalement accès, puisque nous en sommes même parfois partie prenante. Donc, voilà, donc c'est pas un métier, mais c'est quand même un travail, et notamment à travers l'écriture, parce qu'il y a eu Dardard, l'émission de télévision, mais il y avait aussi Dardard, les livres. Nous avons écrit avec mon frère donc 4 tomes, qui ensuite ont été réunis dans l'intégrale Dardard. Et après tout ça, après donc 16 ans à parler des artistes, à parler des œuvres d'art, à parfois dévoiler le sein de l'une ou les fesses de l'autre, à commenter un nez proéminent ou une bouche molle, sans se préoccuper une seule seconde des modèles, en fait, de leurs sentiments. Après tout, est-ce qu'ils avaient envie que 500 ans plus tard, leur sein soit dévoilé au public? Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, bah, maintenant que je suis libéré, entre guillemets, de Dardard, parce que j'ai été un petit peu contrainte et forcée, il serait temps de réhabiliter ces modèles. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'intitule « La galerie des inconnus célèbres », toujours chez le même éditeur que les exemplaires de Dardard, aux éditions du Chêne, que j'ai publié maintenant il y a un an, donc en septembre 2021, j'ai inversé les rôles, j'ai oublié les artistes, j'ai oublié les œuvres, et je ne me suis intéressé qu'à leurs modèles, alors parfois des muses, parfois des inconnus, parfois quelqu'un qui passait là par hasard, au même titre que demain matin, aujourd'hui, à travers Instagram ou les autres réseaux sociaux, on se retrouve à la une. Eh bien, pour certains de ces modèles, ils sont aujourd'hui à la une. Bon, ils sont morts, heureusement, pour certains d'entre eux, mais ils sont vus par des millions de gens, alors qu'on ne sait même pas qui ils sont. On prend par exemple la Joconde. On ne sait toujours pas qui était le modèle. Et c'est vrai que elle est régulièrement, on dit « Ah, son sourire », certains ne trouvent pas si terrible que ça. Et voilà, donc c'était ça que j'avais envie de raconter. Bon, évidemment, je ne raconte pas dans ce dernier livre qui était la Joconde, puisqu'on ne le sait pas, mais en revanche, qui était, par exemple, le modèle de l'origine du monde. Parce que j'ai eu de la chance, quelqu'un a fait une découverte peu de temps avant que je ne termine d'écrire mon livre, donc j'ai pu rajouter. Voilà. Et donc il y a ça, et puis je suis aussi ce qu'on appelle commissaire d'exposition ou curateur, c'est-à-dire, alors pas dans les musées, hein, mais dans des galeries ou des espaces d'exposition, où là encore j'essaye de faire office de passeuse, plus pour expliquer ou transmettre ou une certaine compréhension d'une œuvre ou d'un artiste, mais en revanche de montrer à un public un artiste, pas justement qu'on trouve dans les musées, des artistes moins connus, en espérant qu'ils le deviendront, mais c'est une activité en dilettante, puisque c'est un travail, et je refuse ce mot. J'ai arrêté de travailler il y a une quinzaine d'années. Donc l'écriture, ce n'est pas du travail, en tout cas pas pour moi. Si j'étais journaliste, je dirais oui, je travaille, c'est dur. Là, ce n'est pas la même chose. C'est un plaisir. Et présenter une exposition d'art dans une médiathèque, c'est aussi un plaisir. Il n'y a rien de... D'abord, ce n'est pas répétitif, puisque même si on parle de la même exposition, par exemple, là, dans 2 mois, je viendrai ici à la médiathèque pour présenter l'exposition de Garousse qui vient de commencer au Centre Pompidou. Mais avant de venir ici en décembre, je l'aurai présenté à Paris dans un autre cadre. Mais je sais que ce ne sera pas la même chose. Bien sûr, je montrerai les mêmes choses, parce que l'exposition de Gérard Garousse sera la même. Mais voilà, il y a aussi, lors d'une conférence, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, j'appelle ça des rencontres et pas les conférences, une interactivité avec le public. Ici, par exemple, je crois que ça fait 3 ans, je crois, que je viens, à peu près. Donc, à raison... Enfin, non, plus de 3 ans, puisque malheureusement, nous avons été séparés pendant 2 ans à cause de la pandémie. Ça a été dur pour moi. Alors, je ne sais pas si, pour reprendre Annie Girardot au César, je ne sais pas si j'ai manqué à la médiathèque de Quimper et au public, mais... Vous m'avez énormément manqué. Mais c'est vrai, parce que c'est vrai que justement, on tisse aussi un lien avec le public. Par exemple, lors de la première conférence, on ne sait pas tel artiste, ils vont le recevoir. Et eux aussi. Je me souviens, la première fois que j'ai présenté donc une conférence d'art contemporain, c'était à la médiathèque d'Anglette, il y a une dizaine d'années. Et c'était sur une exposition de ta pièce. Et le journaliste qui m'avait interviewé avant pour présenter l'exposition, je lui avais dit que j'allais faire en sorte de faire apprécier au public l'œuvre de ta pièce. Mais apprécier au sens propre du terme, dans le sens de l'appréhender et comprendre, et non pas l'aimer. Mais comme aujourd'hui, on a tendance à un petit peu embrouiller les mots, à les utiliser pas toujours à bon escient, donc... une des personnes, la première à se présenter à moi alors que j'étais dehors en train d'arpenter devant le parvis de la médiathèque en fumant une cigarette avant de présenter l'exposition, m'a dit qu'elle était catalane, donc comme ta pièce, de Barcelone, comme lui, et qu'elle le détestait, et qu'elle était venue uniquement parce que ça d'oser dire que je pouvais lui faire aimer. Alors je lui ai dit tout de suite, c'est pas ce que je voulais dire. Il m'a dit, non, mais de toute façon, je vais voir, on verra. Et comme à la fin, comme je disais, donc ce sont des rencontres, le but c'est aussi justement d'échanger, parce que souvent, justement, le public a déjà vu l'exposition, ou peut-être ira la voir. Certains ont ressenti quelque chose de totalement différent de ce que j'ai expliqué. Et donc, elle a été la première à prendre le micro pour dire que, grâce à moi, elle avait enfin compris ta pièce et que dès qu'elle rentrerait à Barcelone, elle irait à la fondation pour voir la fondation de ta pièce. Ce que je lui ai déconseillé, parce qu'à ce moment-là, il y avait une rétrospective au musée Guggenheim de Bilbao que justement je présentais. Je lui ai dit, il n'y aura plus rien. Donc, attendez, allez d'abord. Elle me dit, mais je vais d'abord aller voir Bilbao. Mais plaisanterie mise à part, c'est vrai. C'est-à-dire que parfois, il arrive aussi que le public soit en attente parce que c'est un artiste qu'il adore. C'est arrivé ici, par exemple, avec Soulages, notamment. Qui n'aime pas Pierre Soulages? qui lève la main ou qui jette la première pierre. Et c'est vrai que tout de même, même quand voilà, on sent que ils ont tous et beaucoup l'avaient vu l'exposition, parce que justement, parfois je la présente en début d'exposition, mais parfois comme aujourd'hui, je vais présenter Ernest Pignon-Ernest qui est déjà commencé depuis le mois de juin, donc certainement que beaucoup de membres du public l'auront vu, donc auront déjà eux-mêmes une interprétation, et donc ça permet justement, la mienne va donner un éclairage différent, qui est aussi ma propre interprétation, bien que ce ne soit pas du tout le but, n'est pas justement de donner mon opinion, mais en revanche, je vais la voir avec mes yeux et me dire, ah tiens, ça, peut-être que quand on voit avec les explications qui sont parfaites sur le cartel, on ne sait pas qu'il y a ça en plus. Donc moi, je vais apporter le plus. Mais une autre personne, au contraire, qui aura vu, par exemple, dans le cas d'Ernest Pignon-Ernest, vu que ses œuvres sont dans les rues, elles ne sont pas dans le... au fond Édouard Leclerc, puisqu'il s'agit de photographie, puisque... et c'est lui qui y tient. Il faut que ses œuvres disparaissent. Elles ne sont pas du tout faites pour durer dans le temps. Il est même très mécontent quand ça arrive, parce qu'il y a une de ses œuvres qui est au musée de Charleville, un Rimbaud, et quand il l'a vu lors de la réouverture du musée, ça l'a beaucoup dérangé, et il a dit qu'il espérait que, vu comment elle est exposée, elle est au-dessus d'un cours d'eau, le musée pose, et on voit l'eau dessous, comme ça, il a dit qu'il espérait que l'eau monterait pour la faire complètement disparaître. Mais voilà, c'est vrai, parce que son œuvre n'existe pas sans le lieu. Mais au même titre que moi, voilà, parce que je suis parisienne et plus très jeune, j'ai la chance d'avoir vu, par exemple, notamment les Arthur Rimbaud, j'en ai vu beaucoup dans ma jeunesse, parce que j'étais, je ne suis pas si vieille que ça, mais quand même un peu maintenant tapé. Mais en tout cas, lorsque j'avais 14 ans, il a commencé à en mettre dans Paris. Et puis les Rimbaud durent justement, ceux-là. Puis on les a, parfois, on les a photographiés nous-mêmes. Et donc, voilà, quelqu'un a pu voir, parce qu'il est allé à Naples, voir les soupirails, et donc avoir ressenti. Et ça, c'est formidable, s'il peut le raconter aux autres aussi, parce que c'est quand on les voit, même en photographie, ça fait un choc. Donc, imaginez, au détour d'une rue, vous avez l'impression qu'il y a vraiment un cadavre, et pas n'importe quel cadavre, un pestiféré qui sort comme ça, vu qu'il s'est inspiré d'une Pietà de Ribera et d'un... d'une toile de Giordino qui, elle, c'est au moment des pestiférés, c'est Saint-Félicien. Enfin bref. Donc l'idée, si vous voulez, c'est ça. C'est un échange. Apportez-moi un éclairage, mais attendre aussi des personnes qui viennent à la conférence rencontre qu'ils me donnent leurs impressions. Et c'est ça qui fait que ça ne peut pas être un travail non plus, parce que c'est un échange, c'est pas du spectacle pour autant, mais c'est vrai que les acteurs disent que au théâtre justement c'est jamais la même chose, parce que le public, s'il est réceptif ou il l'est pas. Et c'est vrai que parfois je l'ai vu aussi ici, on avait fait, c'est ici où Assay Tombly, je l'ai fait, qui est un artiste où il y a une très forte dose érotique dans ses œuvres, qui sont pourtant à la limite très peu figurative, et justement, je l'avais évidemment traduit lors de la rencontre, et une dame, pas toute jeune non plus, comme moi, qui était venue me voir à la fin, je suis rassuré parce que je suis sorti de là, j'avais vraiment l'impression d'avoir pris une bouffée d'érotisme en pleine figure, et voilà, et ça c'est voilà, donc si j'ai un métier, je sais pas, ce serait de transmettre peut-être une manière de regarder aussi. Parce que, justement, l'art contemporain, ce que je disais au début de notre passionnant entretien, je pense qu'on cherche trop à le comprendre au lieu de se contenter de le regarder et de l'apprécier ou pas l'apprécier, au sens là, l'autre sens d'aimer. Parce que parfois, selon l'art contemporain, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à regarder. Et quand c'est très clair, comme par exemple Jeff Koons, bah ça cartonne. Parce que là, on n'est pas devant une œuvre en se disant « qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir me dire ?» Alors, il y en a qui trouvent ça kitsch, mais ils aiment quand même. Il y en a qui trouvent ça kitsch et ils n'aiment pas. Et puis, il y a les intellectuels, et notamment dans un certain milieu de l'art, justement, où là, on va dire, c'est pas bien, parce que, justement, c'est trop accessible. Et c'est ça, l'art contemporain. Alors que l'art ancien, si vous n'avez pas les clés, vous ne vous demandez pas ce que ça veut dire. Vous regardez, tout simplement. C'est un petit peu comme la musique classique, on l'écoute... On n'a pas besoin d'essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, on veut comprendre. On dit « Ah ben, je ne suis pas mélomane », ce qui est idiot, parce qu'au départ, ils n'avaient pas plus, les contemporains de Mozart n'avaient pas plus une culture de la musique que nous n'en avons une, notamment, d'autant moins plus tôt, puisqu'ils n'avaient pas des disques chez eux pour travailler. Eh bien, c'est exactement l'inverse avec l'art, c'est-à-dire on a l'impression qu'on peut comprendre l'art ancien, parce que c'est figuratif. Mais même l'art contemporain, parce que là, je parlais de Gérard Garouste, je sais que je vais être obligé d'expliquer des choses, et pourtant, c'est une figuration narrative, mais justement, c'est pas toujours évident de voir les clés, alors qu'elles sautent aux yeux de la même manière. Et quand on regarde un tableau d'une école allemande assez difficile, on ne se demande pas ce qu'ils ont voulu mettre dedans. On dit juste « Oh là, ça c'est dur !» Au contraire, ça... Alors qu'il y a beaucoup plus de symbolique que dans certaines œuvres, justement, de Pierre Soulages, où là aussi, on ne se pose pas de questions, on aime comme Jeff Koons. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est de transmettre parfois, mais surtout d'échanger. D'échanger sur l'art, soit à travers... une émission de télé, peut-être qu'un jour j'en ferai une, l'échange, et que dans un sens, c'est sûr, mais dans les livres aussi, mais là, ça a double sens, qu'on rencontre ses lecteurs de temps en temps, et à travers des rencontres, conférences, comme ici, ou parfois, quand je présente un artiste dans une galerie, parfois, ça m'arrive aussi, et là, voilà, c'est transmettre, passer, c'est normal à mon âge, c'est... Il faut passer. Soit passer, carrément, soit passer un relais, soit transmettre. J'essaye pour le moment de m'accrocher au bâton et de rester de l'autre côté. Voilà, je passe le relais, mais je ne lâche pas complètement. En tout cas, c'est fait avec beaucoup de passion, on le sent, hein, on sent que vous aimez ça et que vous aimez partager avec le public, ça se sent bien dans la transmission. Oui. Donc on vous souhaite de belles rencontres à Quimper. J'espère qu'elles vont être aussi bien que les années précédentes. On n'a pas trop de doutes. Donc Marie-Isabelle Taddeï sera avec nous, comme elle vous l'a dit, le 15 décembre 2022 à la médiathèque Alain Gérard de Quimper pour nous parler de Gérard Garouste et le 23 mars 2023 pour nous parler des collections du musée de Cluny qui a fait sa réouverture ainsi que des animations autour des manuscrits de Locmaria et Landévennec, toujours à la médiathèque Alain Gérard. Marie-Isabelle Taddeï, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.